إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence un nouveau chapitre dans le livre. Un nouveau livre, Kitab al-Siyam. D'accord ? Et le premier chapitre dans Kitab al-Siyam, c'est Babun fi wujubi sawmi ramadan. Babun fi wujubi sawmi ramadan wa waqtih. C'est-à-dire un chapitre qui parle de l'obligation du jeûne du ramadan ainsi que son temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'il commence puis quand est-ce qu'il termine. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, inshallah, aujourd'hui dans ce chapitre. Le Cheikh il dit: صوم رمضان صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان إلى آخر الآية ومعنى كتب يعني فرض. Donc le cheikh, il commence à expliquer, il commence son explication en disant que le jeûne du ramadan, c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a ordonné. Donc ça fait partie d'une des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est obligatoire de le connaître. Ça fait partie des choses qui sont connues de la religion par nécessité, tellement elles sont mentionnées et clarifiées. Donc personne ne peut nier ce pilier-là et cette adoration-là, que ça fait partie de l'islam. Le cheikh il dit que les preuves de l'obligation du jeûne du ramadan sont établies par le Coran, Al-Kitab, Al-Sunnah et Al-Ijma, c'est-à-dire le consensus de la Ummah, des salafs. Donc le cheikh il mentionne les versets 183 à 185 dans sourate Al-Baqara. Il l'a pas lu au complet, et nous on peut le lire au complet, c'est-à-dire il les a pas cités, il a pas écrit les versets au complet, il a seulement mentionné ou écrit le début et la fin. Donc nous, inshallah, on va lire le verset au complet de 183 à 185. Le verset, quand on lit dans le Coran, ça dit: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر Pardon. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc ça c'est les versets que le cheikh a cité, c'est ça, en sourate Al-Baqarah 183. Quand on lit dans la traduction, ça dit: ô les croyants, on vous a prescrit, kutiba alaykum, on vous a prescrit as-siyam. Et as-siyam, c'est le jeûne. Quand on le traduit, c'est le jeûne. On vous a prescrit le siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la taqwa, c'est-à-dire la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est le fait de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne pour éviter son châtiment et de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de s'éloigner aussi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le but aussi d'éviter son châtiment et de faire ce qu'il nous ordonne pour avoir son paradis et pour éviter aussi son châtiment. Donc at-taqwa, c'est ça, et ça vient de wiqaya, c'est-à-dire de prendre une protection entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant à faire ce qu'il te demande et en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit. Donc ça c'est le but de faire le jeûne, c'est ça, d'avoir at-taqwa. Et ensuite le verset 184, il dit: pendant un nombre de jours déterminés, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc ça c'est les versets mentionnés dans Sourate Al-Baqarah, qui prouve l'obligation du jeûne du Ramadan. Ensuite, le cheikh il explique que le mot kutiba en arabe, une de ses significations, c'est furida, c'est-à-dire ça a été prescrit et c'est obligatoire pour vous. Wa qala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Il dit donc: celui qui est présent lors de ce mois, ou bien comme c'est mentionné dans la traduction, quiconque d'entre vous est présent, c'est ça. Donc celui qui est témoin de ce mois, qu'il jeûne. Et ça c'est un verbe impératif, falyasumhu. Donc le verbe impératif implique l'obligation, signifie une obligation. Donc c'est pour prouver que de jeûner est obligatoire. Ensuite, le cheikh il mentionne une preuve de la sunna, qui dit wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam ala khams wa dhakara minha sawm ramadan. Donc ça c'est le hadith de Ibn Omar qui mentionne que l'islam est bâti de 5 piliers. Et il mentionne parmi ces piliers-là le jeûne du Ramadan. Ensuite le cheikh il dit wal ahadith fi ad-dilalati ala fardiyyatihi wa fadlihi kathira mashhura wa ajma' al-muslimun ala wujub sawmihi wa anna man ankarahu kafar. Le cheikh il dit que les ahadith qui sont mentionnés et qui prouvent son obligation, son mérite, sont très nombreux et très très connus, yani très célèbres. Les gens les connaissent et ils sont très connus. Et les musulmans, c'est-à-dire les premiers musulmans, les salafs, se sont mis d'accord, ils sont tous d'accord sur le fait que c'est obligatoire de jeûner ce mois-là, de jeûner le mois de Ramadan. Et que celui qui ne croit pas en cette obligation-là, et qui nie cette obligation-là, eh bien, il est kafir. C'est-à-dire, même s'il fait le jeûne du Ramadan, mais qu'il croit que ce n'est pas obligatoire, alors, dans ce cas-là, il est kafir. Le cheikh dit, « وَالْحِكْمَةُ فِي الشَّرْعِيَّةِ أو فِي شَرْعِيَةِ الصِّيَامِ أَنَّ فِيهِ تَسْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَتَطْهِيرًا وَتَنْقِيَةً من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات والصوم على العكس من ذلك. Le cheikh dit la sagesse de l'obligation du jeûne, c'est que il y a dans le jeûne une purification pour l'âme, hein, et une purification également pour tout ce qui a rapport avec les comportements, yani dans le sens que le jeûne te purifie de tout mauvais comportement et de toute mauvaise attitude, dans le sens que le cheikh il explique qu'en réalité lorsque tu jeûnes, les voies que le shaitan utilise dans ton corps pour te pousser à la tentation ou à faire des péchés, eh bien ces voies-là sont, disons, deviennent plus étroites pour le shaitan, et donc il a moins de contrôle ou moins de pouvoir pour te tenter, hein, et pour te pousser vers le haram, parce que le cheikh explique que le shaitan circule dans l'être humain comme le sang, hein, de la même façon que le sang. Donc lorsque l'être humain mange et boit, eh ben dans ce moment-là, ses désirs et ses passions donc ses désirs augmentent à cause du fait que il a, disons, plus d'énergie dans son sein, plus de force dans son sein, et donc son envie et son désir de faire des adorations diminue à cause de l'augmentation de ses désirs. Toutefois, quand il jeûne, c'est le contraire. Le shaitan a moins, disons, de force et de carburant pour alimenter ses désirs et son énergie. Donc, à cause de ça, il a moins de pouvoir sur une personne, et donc c'est plus facile pour cette personne de se vouer à l'adoration et à se concentrer dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un des bienfaits qui vient du fait de faire le jeûne, de jeûner. On va maintenant mentionner d'autres exemples que le cheikh a mentionné. Il dit wa fi as-sawmi tazhidun fi ad-dunya wa shahawatiha wa targhibun fi al-akhirah. وفيه باعث على العطف على المساكين وإحسان وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Donc le cheikh il dit que le jeûne c'est aussi quelque chose qui disons te fait baisser ton attirance ou ton amour pour la dunya, hein? C'est-à-dire que ça montre que tu as moins d'attraction ou d'attirance pour les choses de la dunya et pour les passions et les désirs de la dunya et que tu désires plus l'au-delà que cette vie, hein? Ça t'aide à t'approcher de l'akhira et ça t'éloigne des plaisirs de cette dunya. Donc ça c'est un autre exemple de bienfait. Puis aussi le cheikh il mentionne le fait que parmi les sagesses du ramadan et du jeûne en général, il y a que ça te pousse à avoir un sentiment d'affection et de rapprochement envers les pauvres, du fait que tu peux ressentir un peu de leur douleur. Et parce que la personne qui jeûne, elle ressent la douleur ou la difficulté quand on a faim, quand on a soif, un peu comme le pauvre lorsqu'il n'a pas tout ce qu'il lui faut pour manger et pour boire. Donc le fait de jeûner, ça fait ressentir à la personne qui est riche et qui a tout ce qu'il lui faut, bien, ça lui fait partager un peu de cette souffrance. Et puis, dans ce sens-là, il y a un bien, yani, pour les gens, parce que ça leur fait ressentir en plus de la fraternité dans l'islam, mais ça les réunit dans leur sentiment, puis ça aide, disons, à sentir qu'il y a un lien entre nous, du fait qu'on partage non seulement la même croyance et la même foi, mais aussi la même réalité parfois, et on peut se mettre à la place des autres plus facilement par la suite pour comprendre leur situation, puis ça peut nous pousser aussi à vouloir les aider encore plus. Parce que après le cheikh il donne la définition du jeûne dans l'islam, dans la charia, il dit que c'est de se retenir de certaines choses, de choses bien précises, avec une intention spécifique, hein? De se retenir de certaines choses spécifiques avec une intention. Et ces choses-là, c'est de se retenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels, comme c'est mentionné dans la charia. Ok. Et ça implique aussi de se retenir non seulement de la nourriture, de qu'est-ce qu'on boit et aussi des rapports sexuels, mais également de toute mauvaise parole et de tout péché. D'accord? Donc c'est relié ensemble. Parce qu'il y a des gens qui pourraient s'imaginer que si tu as cessé de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels, ben ça y est, si tu fais des péchés, c'est pas grave dans ce temps-là, t'es quand même en train de jeûner. Toutefois, si tu jeûnes et que tu es en train de faire des péchés en même temps, eh ben c'est certain que ça diminue de la sincérité, de la valeur de ton jeûne. Donc il y a ça. Et après le cheikh il dit wa yabtadi'u wujub as-sawm al-yawmi bi tulu' al-fajr ath-thani wa huwa al-bayad al-mu'tarid fi al-ufuq wa yantahi bi غروب الشمس قال الله تعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. Donc le cheikh il dit que le jeûne à chaque jour, hein, quotidiennement, Le jeûne commence à partir du lever de la deuxième aube, c'est-à-dire quand il y a une ligne blanche qui apparaît à l'horizon. Hein? Eh bien, ça c'est le début du jeûne. Parce que pourquoi le cheikh dit la deuxième aube ou bien le deuxième fajr? C'est parce qu'il y a deux fajr. Il y a le premier fajr qu'on appelle al-fajr al-kadhib, ou le deuxième c'est al-fajr al-sadiq. Et le premier aube, c'est des rayons qui apparaissent à l'horizon mais qui sont à la verticale. Hein, c'est les premières lueurs de l'aube, mais ça c'est pas à partir de ce moment-là que le jeûne devient obligatoire. C'est uniquement à la deuxième aube quand on voit une ligne horizontale apparaître à l'horizon qui sépare, disons une ligne blanche qui fait une séparation entre l'obscurité de la nuit et la clarté du jour. Donc c'est à partir de ce moment-là que c'est obligatoire de commencer à jeûner. Bien entendu, dans les villes, on peut pas voir cette manifestation-là de cette ligne. Il faut être dans un endroit désert pour pouvoir le voir, ou un endroit où il n'y a pas de lumière ou de beaucoup d'éclairage. Ok, donc ça c'est pour le début du jeûne. On sait que maintenant ça commence à partir de ce moment-là et ça termine au coucher du soleil. Ça termine avec le coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le disque du soleil a terminé de descendre en bas de l'horizon, a dépassé l'horizon. Lorsque tout le disque solaire a dépassé l'horizon, ça veut dire que le jeûne termine pour cette journée-là. Et le cheikh, il mentionne les versets 187 dans le Coran. Et dans ce verset-là, il y a l'explication des règles en ce qui concerne le début et la fin du jeûne. Le verset dit « On vous a permis, durant la nuit des jeûnes, d'avoir des rapports avec vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle, c'est-à-dire dans les i'tikaf, dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah, et ne vous en approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux, donc qu'ils acquièrent la taqwa. Donc on a compris maintenant le verset et les règles de ce verset-là. Après ce que j'ai écouté dans un dars du cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, il expliquait que au début, le jeûne, c'est-à-dire les gens jeûnaient jusqu'au coucher de soleil. Et puis après le coucher de soleil, là, ils mangeaient. Mais par la suite, à partir, je ne sais plus exactement à partir de quel moment, mais ils ne pouvaient plus manger par la suite. Jusqu'au coucher de soleil encore, c'est-à-dire même durant la nuit ils devaient jeûner, et par la suite Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis durant la nuit d'avoir des rapports sexuels et de pouvoir manger. Donc ça fait partie des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les mu'minin. Après le shaykh il dit donc وَيَبْدَأُ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Donc, on a parlé maintenant de quand est-ce que le jeûne commence sur le plan quotidien. Hein? Maintenant, pour le mois lui-même, pour savoir comment on fait pour savoir quand est-ce que le mois lui-même commence. Le cheikh il dit que il y a trois façons pour savoir que le mois du Ramadan commence. للعلم بدخوله ثلاثة طرق. الطريقة الأولى رؤية هلاله، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. Donc le cheikh il dit que la première façon pour déterminer que le ramadan commence, c'est de voir le hilal, c'est-à-dire de voir le premier croissant du mois. Lorsque tu l'as vu, tu dois jeûner. Et il mentionne le verset 185 dans Al-Baqarah qui dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Et il mentionne le hadith, c'est-à-dire ce verset-là qui dit et lorsque vous êtes témoin du mois, alors jeûnez-le, c'est-à-dire lorsque vous voyez le hilal. Et le hadith que le cheikh mentionne, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit jeûnez lorsque vous le voyez. Soumou li ru'yatihi, ça veut dire lorsque vous voyez le jeûne commencer, lorsque vous voyez le hilal, commencez à jeûner. Donc le cheikh il conclut en disant que lorsque tu vois le hilal toi-même avec tes yeux, ça c'est la première façon d'établir que le jeûne est entré et donc tu dois jeûner à partir de ce moment-là. La deuxième façon ou la deuxième chose c'est الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية، الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصوم برؤيتي أو نعم فيصوم برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. Donc le cheikh il dit que la deuxième façon d'établir qu'on doit commencer le jeûne ou qu'on peut établir qu'on doit commencer le ramadan, c'est par le témoignage de celui qui l'a vu. Si quelqu'un a vu le hilal et qu'il en témoigne, ça c'est une façon, et de d'informer ou bien d'informer de la vue. C'est-à-dire si on nous informe qu'on l'a vu, dans ce cas-là, c'est obligatoire de commencer à jeûner. Et il dit que on doit commencer à jeûner si une personne qui est honnête et qui est mukallaf, c'est-à-dire qui est rentrée dans la description d'une personne pour qui les adorations est devenue obligatoire, c'est-à-dire il faut que ce soit un adulte, il faut qu'il soit avec sa raison et il faut qu'il soit musulman. Ça c'est les règles les plus importantes en ce qui concerne le taklif, c'est l'islam. D'avoir atteint l'âge de maturité et de puberté, et d'avoir la raison, parce que si on est inconscient ou si on est fou, alors on peut pas se baser sur le témoignage d'une personne comme ça. Et donc ça c'est les plus importantes parmi les conditions, et il faut que ce soit un musulman. Ok, donc ça c'est la deuxième façon. Et puis il mentionne un hadith qui est rapporté selon Abu Daoud et Ibn Hibban et Ad-Darqutni et Al-Hakim qui dit que les gens ont vu, ça c'est Abdullah ibn Omar qui dit que les gens avaient vu le hilal, et il dit je suis allé informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a jeûné et a ordonné les gens de jeûner en se basant sur cette information-là. La troisième façon pour établir qu'on peut commencer le jeûne, le cheikh il dit الطريقه الثالثه اكمال عده شهر شعبان 30 يوما. وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 99 يوما، فلا تصوموا حتى تروه الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأقدروا له. ومعنى أقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، ولما 30 يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. C'est ça. Donc le cheikh il dit la troisième façon c'est de compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Hein? Pour, ça c'est dans le cas où on ne peut pas voir le hilal dans la nuit, dans les derniers jours de Sha'ban. C'est-à-dire qu'il y a des nuages qui nous empêchent de voir le ciel. Ou bien à cause d'un autre empêchement dans le ciel qui nous empêche de voir la lune. Dans ce cas-là, on complète le mois. Au lieu de faire 29, on fait 30. Ok, on complète le mois de Sha'ban. Puis, après, le lendemain, du 30e jour, on commence le Ramadan. Ça, c'est basé sur le hadith qui est rapporté selon Ibn Omar par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois est de 29 jours. Alors ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous ayez vu le hilal, et ne brisez pas votre jeûne jusqu'à ce que vous ayez vu le hilal. Et si vous êtes caché, alors calculez. Hein, c'est-à-dire faites, quand je dis calculer, c'est-à-dire yani, rajoutez jusqu'à 30 jours. Hein, faites comme si le mois est de 30 jours. C'est ça que ça veut dire. فَأَقْدِرُوا لَهُ. Parce que le cheikh il dit: وَمَعْنَا أَقْدِرُوا لَهُ أَيْ أَتِمُّ شَهْرَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Il dit: qu'est-ce que ça veut dire أَقْدِرُوا لَهُ, hein? Si vous êtes caché par des nuages ou quelque chose comme ça, alors فَأَقْدِرُوا لَهُ, c'est-à-dire compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Et ça c'est affirmé par un autre hadith qui est rapporté aussi par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, qui dit: et si vous êtes caché par les nuages, alors comptez le mois comme étant de 30 jours, le mois de Sha'ban comme étant de 30 jours. وَيَلْزِمُ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي كُلْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ. فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ فَإِنْ تَابَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ صَامَ الْبَاقِي ولا يلزمه قضاء لا يلزمه قضاء ما سبق من حال أو سبق حال الكفر. Le cheikh il dit que c'est obligatoire de jeûner le jeûne du Ramadan pour tout musulman qui est mukallaf et qui a la capacité, qui est capable. Et on a expliqué que le mukallaf c'est la personne qui a atteint la puberté et qui a sa raison et qui est musulman. Bien entendu, c'est une condition, il faut qu'il soit musulman, et que ce n'est pas obligatoire pour le kafir de jeûner, et même s'il jeûne, ce n'est pas accepté de lui. Et s'il se repent pendant le mois, c'est-à-dire s'il entre dans l'islam durant le mois de Ramadan, il jeûne le reste. Mais ce n'est pas obligatoire pour lui de reprendre ce qu'il n'a pas fait durant sa mécréance. C'est-à-dire si, supposons, quelqu'un devient musulman après les 15 premiers jours du Ramadan, ben il doit jeûner les autres jours qui restent. Quand le Ramadan termine, il n'est pas obligé de refaire les jours qu'il a manqué avant l'islam. Il fait juste compléter, jeûner ce qu'il a jeûné durant les jours où il était musulman, puis le reste il est excusé. Pas il est excusé, mais plutôt c'était pas obligatoire pour lui puisqu'il était kafir. Donc il n'a pas besoin de les refaire. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui, l'année passée ici à Montréal, il y a des musulmans qui avaient organisé les journées du Ramadan ou quelque chose comme ça, puis ils invitaient les chrétiens et les non-musulmans à jeûner avec les musulmans pendant une demi-journée ou pendant une heure ou des trucs comme ça, ou pendant une journée au complet, puis de partager par la suite les iftars avec eux, avec les koufars. Et ils pensaient qu'en faisant ça, ça c'est une méthode de da'wa ou des choses comme ça. Et il n'y a pas de doute que ça, ça fait pas partie des principes de da'wa et des règles de da'wa utilisées par le professeur al-Sallam. Et en même temps, c'est quelque chose de contradictoire à l'islam, puisque tu ne peux pas demander à un kafir de faire des choses qui sont obligatoires et qui nécessitent la foi pour les faire, hein, que Allah n'accepte pas de quelqu'un sauf s'il a la foi. Donc il y a des gens comme ça, des fois ils invitent leur famille, pas leur famille nécessairement, mais des fois quand ils ont des familles qui sont pas musulmanes, ou bien des amis, ou bien des gens comme ça qui sont proches, et ben ils les invitent à jeûner avec eux. Et ça c'est pas correct, hein. Et des fois il y a des frères qui sont mariés avec des filles qui sont chrétiennes ou juives, et puis ils leur demandent de jeûner eux aussi. Et le jeûne pour une femme qui est pas musulmane, c'est pas obligatoire. Donc au lieu de leur demander de jeûner ou de les inviter à jeûner, de les inviter à l'islam en premier, puis par la suite de faire le jeûne. Ça c'est plus logique, hein? Parce que si elle jeûne mais qu'elle est pas musulmane, c'est pas ça ce qui va la sauver, yani de l'enfer si elle meurt sur le christianisme ou le judaïsme. Donc il faut qu'elle accepte l'islam en premier, puis qu'elle fasse le jeûne par la suite. Le cheikh il dit wala yajibu as-sawm ala saghir yasihhu wa yasihhu as-sawm min saghir mumayyiz wa yakunu fi haqqihi nafilah ولكن لا يجب الصوم على ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. Le cheikh il dit, il n'est pas obligatoire pour un enfant de jeûner. Un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas atteint la puberté, c'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Mais si il jeûne, si un enfant qui est capable de distinguer entre les choses qu'il fait et qui comprend la signification du jeûne, si cet enfant-là désire jeûner, c'est correct pour lui, c'est-à-dire c'est accepté de lui, mais c'est calculé comme étant un jeûne volontaire et non pas comme étant une obligation. D'accord? Comme le cheikh il dit, dans son cas, c'est nafila. Après, le cheikh il dit que c'est pas obligatoire non plus pour une personne qui est folle ou déficiente intellectuellement de faire le jeûne durant le moment où elle est dans cet état-là ou dans cette situation-là, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa raison. Et si elle jeûne dans cet état-là, alors dans ce cas-là, c'est pas accepté. C'est pas accepté le jeûne d'une personne qui n'a pas sa raison. Après, le cheikh il dit wala yajib as-sawm ada'an wala yajib as-sawm ada'an 'ala al-marid ya'jizu 'anhu wala 'ala musafir wa yaqdiyanahu hala zawali 'udhri al-marad wa as-safar. Qala ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Le cheikh il dit, il n'est pas obligatoire pour une personne qui est malade ou qui est incapable de jeûner ou qui est en voyage, c'est pas obligatoire pour lui de faire le jeûne. Et les jours qu'il manque à cause de cette maladie ou de ce voyage ou de son incapacité, il les reprend par la suite. Il les reprend par la suite lorsque cette excuse s'est enlevé. C'est-à-dire lorsqu'il n'a plus cette excuse, comme la maladie ou le voyage et cette difficulté. Comme c'est mentionné dans le verset 184, dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est-à-dire celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors yani, il peut reprendre d'autres jours, pendant d'autres jours son jeûne. Après le cheikh il dit والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. Ok, donc le cheikh il dit que l'appel ou l'obligation du jeûne comprend la personne qui est résidente ou qui est voyageur, la personne qui est en bonne santé ou malade, ou la personne qui est pure ou qui est en période de menstruation ou de d'écoulement post-nato, après l'accouchement, qui a perdu connaissance. Tous ces gens-là sont obligés de, c'est-à-dire ils ont une dette sur eux de devoir faire le jeûne, dans le sens que ils sont commandés ou ils sont demandés, on leur demande de faire le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de le faire, dans le sens qu'ils doivent croire en son obligation pour eux. Et ils doivent avoir la ferme intention et la ferme volonté de le faire, soit de le faire sur le champ, s'ils peuvent, ou de le faire plus tard, lorsqu'ils vont être capables. Dans ce sens-là, ils doivent croire que c'est obligatoire pour eux et qu'ils sont ordonnés de le faire. Ça, c'est-à-dire que si quelqu'un est dans une de ces situations-là, et puis qu'il ne fait pas le jeûne à ce moment-là, ça ne veut pas dire que il doit croire que ça y est, c'est pas obligatoire pour lui. Non, c'est obligatoire, mais il peut pas le faire sur le champ, donc il croit que lorsque il va être capable de le faire, il le fera, si c'est possible. Le cheikh dit: فَمِنْهُمْ مَنْ يُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ فِي نَفْسِ الشَّهْرِ أداء ومنه وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء. Il dit que certains sont commandés de faire le jeûne tout de suite, hein, lorsque le jeûne est entré, et ça c'est la personne qui est en bonne santé et qui est résidente, excepté bien sûr la femme enceinte et la femme qui a des écoulements à cause d'un accouchement. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء. Donc le cheikh dit parmi eux il y en a qui sont ordonnés de faire al-qada, c'est-à-dire qu'ils sont ordonnés de refaire le jeûne lorsqu'ils ont la capacité, et il dit que c'est la femme qui a ses règles et qui est nufasa, c'est-à-dire qui est dans ses périodes de qu'elle a la période après l'accouchement où elle a encore des écoulements, et ben durant ce moment-là et durant la menstruation, elle ne peut pas jeûner, donc elle les refait par la suite quand elle s'est purifiée. Et la personne qui est malade et qui n'est pas capable de jeûner à cause de sa maladie, eh bien, elle doit le refaire lorsqu'elle est guérie. Elle refait les jours qu'elle a manqués. Et donc ça c'est pour Al-Qadha, c'est-à-dire ceux qui doivent remettre ou refaire les jours de jeûne qu'ils ont manqués. On appelle ça Al-Qadha, qui est de refaire les jours par la suite. Et وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَيَّرْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. Il y en a qui sont, qu'on leur donne le choix entre les deux. وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. Il dit, il y en a qui ont le choix entre les deux. Ils ont le choix entre de jeûner tout de suite ou de ne pas jeûner et de les refaire après. Et ceux qui ont ce choix-là, c'est qui? C'est les voyageurs ainsi que les personnes qui sont malades. Toutefois, qu'ils ont ils craignent pas de nuire trop à leur situation ou à leur santé en le faisant. C'est-à-dire que c'est pas trop difficile pour eux de jeûner et ils sont capables de le faire. C'est-à-dire si quelqu'un fait un voyage mais qu'il se sent capable de supporter et qu'il craint pas de se rendre malade ou de se rendre trop faible en le faisant, dans ce cas-là, c'est permis pour lui. Et il dit ensuite le cheikh, وَمَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانِ كَالْمُسَافِرِ يَقْدِمُ مِنْ سَفَرِهِ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ تَطْهَرَانِ وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ. والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق من جنونه والصغير يبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. للشيخ الذكر سي إن بيرسان à manger durant le ramadan, durant le jour, pendant le ramadan. Il a mangé durant le jour à cause d'une excuse. Puis que durant la journée, cette excuse-là qu'il avait, elle s'en va. Et bien dans ce cas-là, il continue à jeûner le reste de la journée et il reprend cette journée-là il la reprend après le ramadan. Il la jeûne après le ramadan. Parce qu'il n'a pas jeûné le jour au complet. Donc étant donné qu'il n'a pas jeûné toute la journée, eh bien il doit la reprendre cette journée-là. Sauf qu'à partir du moment où l'excuse qu'il avait pour ne pas jeûner est partie, donc à partir de ce moment-là, il doit commencer son jeûne, même si c'est en plein milieu du jour. Comme par exemple le voyageur, quand il revient de son voyage durant le ramadan en plein jour, eh bien, il doit cesser de manger, de boire à partir de son moment d'arrivée. De même que la femme qui a les règles ou qui a les écoulements après l'accouchement, eh bien, ils doivent se purifier. Si leurs écoulements cessent ou la menstruation s'arrête en plein jour, eh bien, ils doivent se purifier durant le jour et continuer de jeûner le reste de la journée. La même chose qu'un kafir, s'il se convertit durant le jour dans le ramadan, eh bien, il doit continuer à jeûner le reste de la journée. De même qu'une personne qui était, par exemple, qui avait perdu la raison, puis qui revient à lui pendant la journée, la même chose, ou même un enfant qui atteint la puberté, eh bien, dans ce cas-là, il doit continuer à jeûner le reste du jour. Si on a établi la preuve de l'entrée du mois. Si on a établi la preuve de l'entrée du mois du ramadan aussi. Ah oui, ça c'est un autre cas. C'est si on va dire que on est en plein jour, puis on a la nouvelle que le mois de ramadan est entré. Le cheikh il dit, si c'est comme ça, dans ce cas-là, les musulmans doivent tous jeûner le reste de la journée et reprendre ce jour-là après le ramadan. Donc ça, c'est si dans le cas où on est en plein jour, puis on nous apprend que le mois de ramadan est entré. Dans ce cas-là, on jeûne le reste de la journée. Ça peut aussi arriver à une personne, comme un individu par exemple, qui, supposons, elle a dormi, puis elle n'a pas entendu que le ramadan était commencé, puis elle se réveille en plein milieu de la journée, ou bien même des fois elle va manger, et puis elle part à la mosquée. Puis là, arrivée à la mosquée, les gens lui disent, aujourd'hui c'est le ramadan. Donc à partir de ce moment-là qu'il l'a su, eh bien, il doit s'arrêter de manger jusqu'à la fin de la journée. D'accord, donc on va s'arrêter pour ici, à ce point-là, puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine pour le prochain chapitre, Inch'Allah. Donc, je pense que c'est bon comme ça, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك